ciel chantée par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, Noël, Noël, Noël, un sauveur nous est né, chantons Noël. Et levant les yeux au ciel, ils découvrirent au loin une étoile brillant, la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile versée, pour cette sophire route jusqu'à Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Christmas at all, still waiting for the snow to fall. It